Oui. Paris, la grande ville, dans la plus belle des maisons, il y a une barbière qui est plus belle que le jour. Il y a une barbière qui est plus belle que le jour. Puisqu'on dit qu'elle est si belle, j'irai donc la voir un jour. Puisqu'on dit qu'elle est si belle, j'irai donc la voir un jour. Je partirai sur les minuits pour arriver au point du jour. Je partirai sur les minuits pour arriver au point du jour. En arrivant devant la porte, trois petits coups de frapper. En arrivant devant la porte, trois petits coups de frapper. La jeune barbière à sa fenêtre me demanda que voulez-vous. La jeune barbière à sa fenêtre me demanda que voulez-vous. Je demande à faire la barbe noire, la faites-vous. Je demande à faire la barbe noire, la faites-vous. Entrez, entrez, joli jeune homme, dans un instant je suis à vous. Entrez, entrez, joli jeune homme, dans un instant, je suis à vous. Pendant qu'elle lui fit la barbe, trois fois il changea de couleur. Pendant qu'elle lui fit la barbe, trois fois il changea de couleur. Qu'avez-vous donc, joli jeune homme, à changer si souvent de couleur? Qu'avez-vous donc, joli jeune homme, à changer si souvent couleur? Si c'est mon rasoir qui blesse, pourquoi ne me le dites-vous pas? Si c'est mon rasoir qui blesse, pourquoi ne me le dites-vous pas? Oh non, jolie barbière, ce sont vos yeux remplis d'amour. Oh non, jolie barbière, ce sont vos yeux remplis d'amour. Mes amours, mes amourettes, ne sont point ici pour vous. Mes amours, mes amourettes, ne sont point ici pour vous. Elles sont sur un vaisseau de guerre, elles reviendront dans quelques jours. Elles sont sur un vaisseau de guerre, elles reviendront dans quelques jours. Eh bien. Et voilà.